Radio Gémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce lundi 8 novembre. Pour ma part, je reviens de vacances. Et quoi de mieux comme reprise que d'attaquer avec une émission. Je suis Lia, je suis en direct avec toi dans l'odeur du son par cette belle journée ensoleillée. Je ne suis pas seule. Je suis accompagnée aujourd'hui de Catherine de l'association Ralentir pour Vivre, avec qui nous allons aborder le sujet du burn-out, ou plus précisément de l'épuisement, comme tu me l'as précisé, Catherine. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Lia, je vais très bien, merci. Merci Lia de nous recevoir aujourd'hui. Merci à Radio Gémozo de nous donner la parole. Et puis, enchantée aussi d'être ici avec cette belle journée ensoleillée. Ben voilà, tu m'as ramené le soleil, merci oui. Beaucoup. Alors je vais planter un petit peu le décor, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi. Tu vas me dire si je dis des bêtises ou non. Selon un article que j'ai lu, il reste difficile de mener une lutte en bonne et due forme contre le burn-out, puisque ce dernier peine encore à se faire une réelle place auprès des professionnels de santé, faute de reconnaissance officielle. L'épuisement professionnel, donc également appelé burn-out, est un trouble psychique résultant d'un stress chronique dans le cadre du travail. Il n'existe encore pas d'échelle officielle pour mesurer ce burn-out chez les salariés, mais plusieurs études ont permis de dresser un bilan chiffré. Ainsi, selon l'Institut de veille sanitaire, ça serait 480 000 personnes en France qui seraient en détresse psychologique au travail, et cet épuisement concernerait 7%, soit 30 000. Mais une étude du cabinet Technologia révèle un chiffre bien plus inquiétant, 3,2 millions d'employés, c'est-à-dire 12% de la population active, présenterait un risque de burn-out. Le burn-out apparaît dans la classification internationale des maladies de l'OMS, dans le chapitre qui liste les facteurs impliquant un recours aux services de santé. Pour autant, il n'est pas considéré comme une maladie, mais plutôt comme un syndrome lié à un stress chronique au travail. L'OMS précise bien que ce terme concerne uniquement le contexte professionnel. Qu'est-ce que t'en dis de tout ce que je viens de dire là alors? Eh bien, écoute, Lia, je te remercie déjà de clarifier depuis le départ. Là, oui. Je pense que tu as mis le doigt vraiment sur ce qui fait mal. Ah. Alors, effectivement, tout d'abord, pour reprendre ce que tu as dit, ce n'est pas reconnu. Oui. Alors, effectivement, ce n'est pas reconnu par l'OMS, qui ne parle que d'un stress chronique au travail, d'un sentiment d'épuisement, d'un harcèlement de la hiérarchie ou d'une surcharge au travail. Les hautes autorités de la santé, elles disent un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans les situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Oui. Et puis, carrément, les CIM-10 et les DSM-5, aucune prise en compte légale. Alors, effectivement, dans ce phénomène qui est l'épuisement, oui. Il est relaté dans le cadre professionnel parce que c'est là où il est le plus voyant, on va dire ça comme ça. Maintenant, nous, en tant qu'association Ralentir pour Vivre, on dit clairement que ce n'est pas une maladie qui est rattachée à l'individu en tant que tel, bien qu'il en souffre et qu'il en soit victime. Alors ça, c'est certain. Seulement, ce n'est pas lui le déclencheur. Nous, on soutient que c'est une pathologie de société qui est liée à 4 facteurs importants qui apportent ce stress chronique, qui sont le culte de la performance, oui. Être le meilleur des meilleurs, mmh. Le culte de l'urgence, faites-moi pour hier ce qui était à faire pour demain. Hein. La concurrence exacerbée, à côté t'es là, pof, je te mets la tête, le pied sur la tête et je prends ta place. Hein. Donc c'est une course à la chaise musicale du travail, oui. On va dire ça comme ça. Et puis la manie de l'évaluation, hein. Cocher les cases, soyez, ben voilà. Alors on devient des produits, en quelque sorte. L'être humain devient un produit. Donc il est clair qu'au milieu de tout ce brouhaha, si on parle de pathologie de société et qu'on ne remet plus ça à l'individu, moi je parlerais plutôt d'un accident du travail et non plus d'une maladie. D'accord. Parce que quand on parle de maladie psychique, alors il est évident que consulter quelqu'un pour avoir du soutien quand on est en épuisement total et qu'on a complètement pété les rondelles, puisque d'après l'INRS qui en a fait une étude extrêmement intéressante, alors peut-être je suis un peu trop longue là. Ah non, enfin, non, voilà. Vas-y. Une étude très intéressante, vous pouvez retrouver sur YouTube les mécanismes du stress au travail de l'INRS. Et ils expliquent qu'en cas de stress ponctuel, notre machine humaine, notre corps, notre fonctionnement humain, il est très bien fabriqué. C'est-à-dire qu'il fabrique des hormones qui s'appellent les catécholamines, qui donnent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Donc, il est bien fait. J'ai une inondation dans la maison, tac, tac, tac, j'ai tout d'un coup les ressources pour. C'est en quelque sorte de l'adrénaline. Ensuite, cet effet augmente la fréquence cardiaque, ça, il ne faut pas l'oublier, la tension et la température du corps. Et donc, ça se transforme en glucocorticoïdes qui donne une énergie sous forme de sucre et qui en fait ce glucose pour les principaux organes fait qu'on a tout d'un coup cette force, cette puissance, c'est le cortisol. Quand il y en a assez dans le corps, les récepteurs ralentissent leur production et en fait ça a permis de répondre à une situation de stress ponctuelle et ensuite les symptômes disparaissent. Seulement où il y a un os dans le pâté, et là il y a vraiment un os dans le pâté, c'est que si la situation de stress dure ou s'intensifie, c'est ce qu'on appelle le stress chronique. D'accord. Et là, l'organisme fonctionne alors en sur-régime, car pour résister, le corps produit de plus en plus d'hormones, et les récepteurs censés les réguler sont débordés. Alors d'accord. Vous imaginez un restaurant rempli avec 3000 personnes, or qu'il n'y a que 100 places, vous imaginez, eh ben, votre corps il est comme ça. D'accord. Donc il explose complètement. Donc il y a un moment donné où effectivement, ce stress chronique fabrique des maladies. Mais je ne pourrais pas dire que l'épuisement lui-même est une maladie. Non, c'est une maladie de la société qui compresse. C'est une conséquence. Oui. Qui met sous pression et qui fait se déclencher des problèmes. Alors, il est évident que tant qu'on cherchera à faire reconnaître l'épuisement, ou pour dire le mot plus commun, le burn-out, l'épuisement comme étant une maladie, c'est caduque. Mmh. On se plante. C'est un traumatisme, c'est-à-dire c'est comme un choc, un accident. Donc, c'est un accident. Et là, on pourrait retourner... la situation en disant, alors comme dans toute entreprise par exemple qui doit avoir un chantier où ils doivent mettre le casque, faire attention à ci à ça, et bien de la même manière on pourrait dire, les entreprises, il y a un cas de burn-out, ok, on fait une inspection, il y a trop de pression, trop, voilà, et c'est les entreprises qui devraient réguler leur manière de faire travailler et leur manière d'en demander aux employés. Et alors, à ce moment-là, le burn-out pourrait être reconnu comme accident du travail. Et là, ça me paraîtrait sensé. Mm-hmm. Voilà ce que j'en pense. Ok. Est-ce que tu penses que c'est faisable, qu'un jour, ça sera possible ? Alors, très sincèrement, je pense que... qu'un jour, ce sera possible, j'en sais rien. Parce que moi, je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Je dirais simplement que à un moment donné, il y aura une telle hécatombe d'épuisement au travail qu'à un moment donné où une solution va apparaître. Et là, c'est pour ça qu'on se bat pour faire passer cette idée. C'est s'unir. C'est effectivement, comme on le fait sur notre site ralentirpourvivre.org, des forums pour créer des endroits où les gens échangent, pour parler, pour faire circuler ce genre d'informations. Et je pense que au début du siècle dernier, il n'y avait pas d'assurance vieillesse. Les gens mouraient avec quasiment plus rien dans la poche, suivant quoi ils étaient dans la précarité la plus totale. Et puis, il est arrivé les assurances vieillesse. Donc, les choses peuvent arriver, mais il faudra du temps. Mais je pense que c'est, on va dire, c'est surtout l'occasion qui fera le larron, c'est-à-dire que s'il y a trop d'épuisement, à un moment donné, il va falloir se poser des questions quand même. Après, c'est dommage d'attendre ce nombre qui saute un petit peu aux yeux de mal-être, quoi. Oui, et puis d'un autre côté, c'est une maladie de la société. Donc, est-ce que c'est pas toute la société qui a besoin de changement, de direction ? Après, voilà, on nous demande de produire toujours plus, d'être performant, optimum. Et voilà, c'est cette société de consommation qui nous l'impose un petit peu, finalement. Oui. Pouvoir faire tout le temps plus d'argent. Oui, qui transforme l'être humain en un produit de production. Et puis, on fait comme avec les citrons, hein. On les presse, et puis après, on jette la peau, et on en prend un autre, et on presse. Voilà. Donc, effectivement. Mais je dirais que s'il n'y avait que dans ce domaine-là qu'il y a des injustices, ce serait encore facile de l'aborder, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui sont similaires, on va dire. C'est vrai. Où est donc l'humanité aujourd'hui dans ce monde ? Ça fait un petit peu peur, parfois. Oui, pour une ancienne comme moi, parce que je suis plus toute jeune, on pensait dans les années 70 qu'on allait s'engager dans un nouveau monde qui est vraiment, on va dire, fait pour le loisir, mais en même temps pour laisser du temps à l'être humain. Et puis on s'est rendu compte qu'on nous a mis des ordinateurs, des tas de choses qui vont plus vite. Et puis au lieu de nous en demander des moins, avec même la machine à laver le linge, la machine à laver la vaisselle et tout. Et on nous en demande de plus en plus et on en fait de plus en plus. Donc effectivement, il y a peut-être un problème de fond de ce côté-là, effectivement, à réfléchir. C'est vrai. Avant d'en savoir plus et de se lancer encore plus à corps perdu dans ce sujet qui me tenait vraiment à cœur depuis quelques temps, hein, d'ailleurs, je te remercie beaucoup Catherine d'être venue aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de parler de ce sujet depuis un moment. On s'est parfois manqué ces derniers temps, mais on a réussi. Voilà, c'est vrai que ça fait quelques années que j'essaye de parler de tout ça. Et voilà, je suis très contente que tu puisses venir aujourd'hui nous parler de ce sujet qui me semble quand même très important à mettre en valeur. Ouais, justement, je te remercie vraiment infiniment. C'est moi qui te remercie infiniment. Parce que je pense qu'effectivement, en parler, c'est déjà... c'est d'ailleurs le but de notre association, c'est de sensibiliser, d'informer, de parler, d'échanger. Je pense que aussi, dans ce phénomène, les personnes qui sont touchées, c'est important d'être solidaire, d'être... Oui. Je dirais même... plus que solidaire, d'être fraternel, d'être vraiment ensemble dans quelque chose. Ok, on comprend ce qui se passe, quoi, j'entends. Et quand on dit on n'a pas le choix, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais il y a des choix, des fois, qui demandent du temps, qui demandent aussi de la patience, qui demandent aussi des renoncements. Enfin, il y a des choses difficiles dans ce phénomène de l'épuisement. Oui. Je comprends tout à fait. On fait une petite aparté, un voyage intérieur selon moi avec ce son incroyable que j'ai découvert ce week-end avec One Breath Around the World. Vous allez voir, moi personnellement, ça me fait vraiment voyager à l'intérieur de moi-même. Et peut-être que, on peut aussi s'accorder des moments de voyage intérieur pour s'écouter parce que je pense que ça passe aussi par là. Hein. Il y a beaucoup de fois où on ne se rend pas compte, on ne prend pas le temps, justement. Eh bien, prenons le temps ensemble et retrouvons-nous juste après ça. Voilà pour ce son qui me semblait incroyable par Guillaume Ferrand, je ne sais pas. Voilà pour ce petit voyage intérieur. Nous en ferons d'autres au sein de cette émission à travers les sons chouchous que j'ai choisis spécialement pour cette émission. Voilà, je suis toujours avec Catherine de l'association Ralentir pour Vivre qui porte bien très bien son nom, hein, oui. Du coup, ça c'est sûr. Alors, tu as créé cette association avec d'autres personnes ? Oui, cette association a été créée en 2018 avec deux médecins et deux autres personnes qui font partie du comité, entre autres une chercheuse en santé publique et puis une personne qui est professeure de psychologie politique et sociale. Et puis un des membres du comité d'administration, donc qui est psychiatre, a fait une étude sur le burn-out et sur vraiment le côté pratique, je dirais physique, du phénomène et le côté vraiment fonctionnement de l'être humain. C'est-à-dire que pour nous, c'est important dans l'association d'avoir une explication médicale cohérente et qui ait du sens. Et ça nous a permis de faire une brochure et une conférence tout public que l'on a mis en ligne sur notre site, ralentirpourvivre.org, donc. Et cette association, elle a débuté en 2018, on était bien partis, et puis comme vous le savez, 2020 nous a un peu ralenti, et ralentir pour vivre. Maintenant, on continue nos activités, et puis on met en place, c'est un petit peu difficile à mettre en place, un forum d'expression. Alors, on va chercher peut-être d'autres moyens de faire que les gens puissent échanger, ne pas se sentir seuls, parce que c'est important dans ce phénomène. Et puis on a aussi une page Facebook qui s'appelle Ralentir pour vivre, où il y a effectivement, on diffuse dessus les articles d'actualité en fonction de ce sujet. Oui, le vrai but de cette association, c'est vraiment de casser le silence. Oui. Oui. Informer, sensibiliser, parce que ça peut être dans différentes situations. Par exemple, quelqu'un est touché par l'épuisement et puis son conjoint ne comprend pas ce qui se passe. Il a besoin qu'on lui explique, parce qu'effectivement l'épuisement peut rendre agressif, ça peut rendre ça peut donner une impression de dépression, mais ce n'en est pas une. C'est ce qu'on appelle un trouble comorbidique, c'est-à-dire que c'est un trouble parallèle. C'est-à-dire que ça donne, c'est évident que quand on n'a même plus la force d'aller chauffer une tasse de thé, que tout nous semble l'Himalaya, il est clair que ça ne rend pas, en pleine forme. Oui. D'un côté, quand même, c'est un peu déprimant quand même de se sentir si rabaissé. Donc c'est un côté, on va dire, parallèle, mais c'est pas en soi, ce n'est pas une dépression. D'accord. C'est un problème de fonctionnement hormonal et de fatigue terrible due à cette surchauffe, en quelque sorte. Une voiture qui va rouler à 300 à l'heure sur 2000 kilomètres, elle arrive, ça chauffe, le moteur. L'être humain, c'est la même chose. Oui. Et il va falloir un sacré moment parce qu'elle va péter. Et puis, pour remettre en route le moteur, il va falloir tout contrôler parce que, il va y avoir quelque chose qui fonctionnera plus. Et l'être humain, c'est un peu ça. Donc, il lui faut du temps. Oui. Beaucoup de temps. D'accord. Comment on fait la différence entre une dépression et un épuisement Il y a une différence que notre psychiatre explique très bien. C'est-à-dire, il y a déjà un surinvestissement au travail. D'accord. Donc, on voit déjà une personne très volontaire qui fait plein de choses et tout d'un coup, paf, elle tombe. Ça, c'est pas une dépression. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais eu de punch, qui a toujours été plus ou moins, là, c'est pas de l'épuisement, c'est de la dépression, effectivement. Oui. Ok. Il y a quand même une différence majeure. D'accord. Entre ces deux choses. Quelqu'un qui est très volontaire, très investi, qui tout à coup perd le goût et l'envie et devient las. Oui. Il y a un changement dans la motivation. Il y a un changement dans en termes de troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire qu'elle n'avait pas auparavant. D'accord. Des troubles de l'attention qu'elle n'avait pas auparavant. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Moi, je peux plus lire un livre ». Oui, mais avant, tu lisais, ah oui, beaucoup. Maintenant, je peux même plus lire 4 lignes. D'accord. Ça, c'est un trouble qui est, voilà, une difficulté à se concentrer aussi. J'arrive plus à faire quelque chose, je fais 30 secondes et après, je passe à autre chose. Donc, ça aussi, c'est... Et puis, se sentir incapable de mener à bien, de tout trouver comme étant gigantesque. Ah non, j'arriverai jamais à faire ça. Or que cette personne, avant, faisait des tas de choses, par exemple. Il y a donc un investissement et un désinvestissement. D'accord. Ça, c'est à mon avis un des troubles. Maintenant, dans les troubles psychiques, il y a aussi une agitation anxieuse. Il y a également un flux de parole. Je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé dans une soirée avec quelqu'un qui... pendant toute la soirée, va pas arrêter 30 secondes. Oui. Et puis avoir l'air d'être très agité. Voilà, d'accord. Ça, c'est un signe d'épuisement. D'accord. Ok. Par exemple. Oui, ça paraît ambigu, finalement, ça. Oui, mais maintenant, c'est un dysfonctionnement des hormones. Oui. Donc, il y a un petit peu... Est-ce qu'il y a d'autres symptômes très parlants, comme ça, pour soi-même et peut-être pour déceler ça chez quelqu'un que l'on connaît? Oui, le sentiment de se sentir piégé. D'accord. Personnes qui vous diront, mais j'ai plus aucune issue, je suis piégée. Alors, je dirais là, je rentrerai dans un sujet qui est un peu parallèle, mais qui se rapproche de ce qu'on est en train de parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une directrice d'école qui, il y a, je crois, en 2019, au mois de septembre 2019, s'était suicidée. Ah. Elle s'était balancée par-dessus le balcon de l'école. Elle a laissé une lettre, elle s'appelait Christine Renon. Et donc on montre à quel point elle s'est sentie piégée, vraiment. Dans sa lettre, elle parle qu'elle est épouvantablement fatiguée, épuisée, qu'elle a encore du travail, mais qu'elle ne va pas se plaindre cette année parce qu'elle a retrouvé elle a quand même eu un petit peu d'aide, mais qu'elle est épuisée à ses rythmes, que tout concourt au stress, que son travail de directrice est épuisant, à la fin de la journée, qu'elle ne sait plus trop ce qu'elle fait, et elle dit encore que... Elle dit, alors justement, c'est là qu'elle se sent piégée, elle dit, mais l'école n'est en rien responsable de cela, donc elle donne la raison encore à cette pression qu'elle a reçue. Elle dit que tout se passe dans la violence de l'immédiateté, qu'elle n'arrive plus à faire face à tout ça. Elle dit qu'elle a donné fin à ses jours parce qu'il y a une goutte qui a fait déborder le vase. C'est qu'elle a dû faire une réunion avec une famille et un enfant. Alors, pour une histoire assez, on va dire, un peu glauque, mais enfin, d'un petit enfant qui avait touché une partie de l'autre enfant, mais ils avaient 3 et 4 ans, enfin, oui. Voilà. Et donc, là, elle dit carrément, quand elle a vu ça, pour elle, c'était impossible, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, elle s'est sentie, mais piégée dans quelque chose qu'elle ne pouvait plus gérer. Oui. Elle ne pouvait plus gérer. Elle disait que, par exemple, la perspective de devoir faire, alors elle parle des tableaux, de devoir faire des réunions, enfin, toutes ces perspectives, elle s'est sentie piégée. Et ça, je pense que quand quelqu'un, à un moment donné, se sent extrêmement piégé, ça, c'est un symptôme à prendre très au sérieux. Oui. Très, okay. Très au sérieux. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend conscience que ça nous arrive ou quand on prend conscience que ça arrive à quelqu'un que l'on connaît? Comment on peut réagir face à ça? Je dirais que quand on prend conscience que ça nous arrive, c'est un peu compliqué parce que ce phénomène a aussi un revers. C'est que très souvent, la personne qui est dans cette situation de stress chronique, avec des hormones qui dysfonctionnent, est dans un déni monstrueux. C'est souvent, quand elle arrive à un moment donné où elle n'en peut vraiment plus, moi je connais des personnes qui ne se sont pas levées un matin, oui. Ne sont pas sorties de leur lit carrément. Oui, oui. Là, oui, elles prennent conscience. Je dirais que prendre conscience, c'est avant tout peut-être échanger. Ça peut aider des prises de conscience. Quand on a en face de soi quelqu'un qui fait un peu l'avocat du diable, par exemple, une amie qui est tout le temps stressée. Mais j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. Ah bon, tu as plein de choses à faire. Ah d'accord, ok. Et puis essayer de lui montrer, mais avec le plus de délicatesse possible, que oui, mais il y a des moments où elle devient un petit peu, je dirais, difficile à cerner. Et alors, je ne veux pas être défaitiste, mais en règle générale, les personnes qui sont vraiment dans cet état-là ont rarement, on va dire, allez, je ne veux pas être strict, mais ont rarement la faculté de s'en rendre compte. C'est qu'une fois qu'elles sont tombées vraiment, oui, qu'elles se rendent compte. D'accord. C'est un peu triste. C'est même beaucoup triste, mais ça fait partie du phénomène. Ok, une fois qu'on est complètement à terre, comme voilà, on est obligé finalement de prendre conscience, puisque on n'est plus apte à mener la vie que l'on avait, que ce soit physiquement ou psychologiquement, j'imagine. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'accorde du temps. Oui. Et puis on commence à prendre en compte le fait qu'on a été maltraitant avec soi-même. Maltraitant. Parce que s'obliger comme ça à une pression chronique, c'est une certaine maltraitance. Donc la meilleure chose, c'est commencer par la bienveillance avec soi. Et oui. Et puis savoir dire non. Bon, c'est facile à dire, mais c'est une chose importante. C'est-à-dire diminuer. Diminuer drastiquement tout ce qu'on fait pour redémarrer un petit peu, comme après, je dirais, s'être cassé la jambe, eh bien, il y a la rééducation. Donc, redémarrer une rééducation lente, être tranquille, avec peu de choses qu'on fait d'une manière bien, sans être fantastique, mais enfin des petites victoires. Voilà. Oui. Donc là, le grand médicament, entre guillemets, c'est vraiment le temps que l'on va prendre pour prendre soin de soi et voilà, se donner le temps dans les choses que l'on fait, oui, une par une. Oui. Et c'est ça qui va aider. Oui, c'est ça qui va aider, c'est-à-dire être bienveillant avec soi, se cajoler quelque part, s'occuper de soi. Et alors, je dirais s'occuper de soi, et effectivement, il y a deux, trois choses, comme par exemple la nourriture, parce que souvent, quand on est dans l'épuisement, on se nourrit très mal. Oui. Souvent, il y a des personnes qui perdent du poids, d'autres qui en prennent, ça dépend. C'est, je dirais, déjà recommencer à avoir une nourriture régulière, réapprendre à mastiquer, parce que bien souvent, les gens qui sont en stress ne mastiquent plus. Ah oui. Il y a des petites choses comme ça. Réapprendre le sommeil, parce que le sommeil réparateur, c'est un sommeil qui demande à ce qu'on se coupe des écrans, je dirais, un long moment avant d'aller se coucher, parce qu'il faut vraiment... Et puis, bon, se remettre à se concentrer. Alors, ça peut être lire 3 lignes par jour, le lendemain, en lire 6... Le surlendemain, lire une demi-page, enfin se remettre à des activités de concentration. Ça, c'est aussi important. Parce que se reconcentrer sur soi-même. Mm-hmm. Et puis, ben, la nature, je pense que ça, les promenades dans la nature. Et puis, ben, la respiration. Donc, dans par exemple le yoga, la méditation, en fait, toutes ces médecines parallèles qui ont une grande importance dans le soin du corps. La solitude, parce que à un moment donné, on a besoin de vraiment baisser le rythme du cerveau, c'est-à-dire vraiment mettre un bouton off au cerveau, c'est-à-dire vraiment se retrouver en face de soi-même et en face peut-être de choses simples comme par exemple la nature et le silence. Je pense que le bruit, toutes les personnes qui ont eu des graves accidents d'épuisement le disent, le bruit les dérange parce qu'en fait ce sont des stimuli, oui, qui développent une certaine adrénaline. Et puis, quand on est vraiment tombé après un épuisement, on a une espèce d'overdose d'adrénaline. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus rien qui nous stresse. On a besoin de... tranquille, une chose après l'autre. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment redémarrer une vie, je dirais, différente. Parce qu'après un épuisement, on vit différemment. Oui. On a besoin de plus de calme déjà. Oui, et puis je pense qu'on y gagne en qualité de vie, mais on n'a plus la quantité. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. Voilà, on va dire oui. ça comme ça. Oui, oui, oui. Et j'imagine aussi que de reprendre étape par étape, chose par chose, ça doit être aider aussi à l'estime de soi, de se dire voilà, aujourd'hui j'ai eu envie de lire deux lignes de mon livre, je l'ai fait, pas trop s'en demander, mais c'est ça. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir l'estime de soi. Voilà, ça c'est dans le regard souvent des amis très proches qu'on peut retrouver aussi l'estime de soi. Tout un sujet, hein, cet épuisement, on pourrait en parler très longtemps, on va encore en parler au sein de cette émission. Moi je suis toujours ravie que tu sois là pour me parler de tout ça, parce que tu as vraiment les mots qui font prendre conscience. On comprend très bien ce que tu dis, et je pense qu'il est temps de peut-être de comprendre aussi cet épuisement, voilà, à déceler chez les autres ou chez soi-même avant que ça n'ait dérapé complètement. Et voilà, au moins de prendre conscience que ce phénomène existe, c'est déjà un grand pas. On va continuer avec deux petits sons chouchous que j'ai concoctés pour cette émission, et on se retrouve juste après. Ça te va? D'accord. À tout de suite. And I feel you with me, so I hold on tight. And I see your darkness, it's bending light. And the waves, they hit me, so I hold on tight. Until you're at home, spend the night, spend the night. Myself, I know I can't begin to feel it. Auditeur, tu es toujours avec nous sur Radio Guémozo. Tu nous écoutes sur le 107FM ou peut-être depuis notre site internet ou les applis gratuites sur smartphone. En tout cas, tu es le bienvenu. Nous sommes toujours avec Catherine de l'association Ralentir pour Vivre qui aujourd'hui nous parle de ce phénomène d'épuisement appelé plus communément le burn-out. Voilà. On l'a évoqué au début de cette émission, le burn-out, c'est pas totalement reconnu en France, ça reste un phénomène tabou. Oui, ça reste un phénomène tabou parce que justement, il est relié à l'individu. Ce que nous, en tant qu'association, on essaye de faire avancer comme idée, c'est que c'est un phénomène de société et qu'on est pris dans l'engrenage. Et qu'effectivement, il n'y a rien de tabou à dire qu'on est au bout du roule, en gros. C'est ça, quoi. Donc, effectivement, c'est important de dire que ce phénomène d'épuisement est quelque chose de relativement tabou parce qu'on le lie à l'individu. Est-ce qu'on pourrait faire des actions au sein des entreprises, entre autres, pour prévenir ou être attentif en tant qu'individu entre nous ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui pourraient être faites. Maintenant, dans les entreprises, c'est délicat. C'est très délicat. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, il y a cette concurrence exacerbée, le jeu des chaises musicales. Il y a 5 postes et il y a 20 personnes pour le pouvoir. Enfin, c'est très délicat parce qu'il y a quelque chose qui se rattache à l'essentiel qui est gagner son pain, en quelque sorte. Donc, c'est difficile. Maintenant, je pense que la solidarité entre les personnes qui souffrent de ce phénomène se fait plus à l'extérieur des entreprises. Parce que je pense qu'effectivement, dans les entreprises, c'est difficilement entendable. Quoique, il y en a qui jouent un double jeu. Il y a des entreprises qui vont mettre à disposition des salles de yoga, d'accord, des salles de détente. Et par ailleurs, la secrétaire va avoir 50 piles devant elle de papier à régler, comme si elle avait un château fort autour d'elle. Donc elle en a pour 3 siècles et on lui demande de faire ça en 3 jours. Donc c'est ambigu. Oui. C'est très ambigu dans le cadre des associations, dans le cadre des entreprises. Maintenant, moi, je trouve que non, les actions pourraient être beaucoup plus pacifistes, un petit peu à la Gandhi. C'est-à-dire que si tout un chacun était sensibilisé et puis voyait les dégâts que ça peut faire dans l'entourage et puis aider les personnes dans l'entourage. Non, moi, je penserais plutôt à des marches simples, en silence. Journée de ralentir pour vivre, par exemple. Voilà, j'avais vu, il y a quelques années en arrière, une association qui avait fait un petit jeu amusant dans une ville. Ils dressaient des contraventions aux gens qui couraient. Et je trouvais ça très drôle. Donc, c'est juste sensibiliser, parce qu'après, chacun est dans son histoire, chacun est raccroché à quelque chose. Moi, je pense que c'est sensibiliser et puis aussi faire prendre conscience que quelquefois, effectivement, on s'en demande à soi un peu trop et que poser la question, est-ce que c'est nécessaire ? Alors, c'est pour ça que je dirais des groupes de parole, ça, c'est important. Oui. Pour dire, ben oui, là, effectivement, je sais pas pourquoi je me prends la tête. Oui, ça fait émerger des idées quand on discute. Voilà. Oui. Mais dans le cadre même des entreprises, je reste très sceptique. Oui, je comprends. Ça me fait penser un petit peu à la charge mentale. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, c'est un peu ça. En tant que maman, par exemple, au foyer, en plus qui travaille, voilà, etc. C'est ça. Vraiment, il y a des choses qui me rappellent tout ça, quoi. Ben, disons l'épuisement. On le classifie directement professionnel. Alors, oui. Pour notre part, l'association le classifie de pathologie de société. Donc, il est pour les mères. Oui. Il y a Violaine Guéridault qui a écrit un excellent bouquin sur le burn-out des mères. Parce que les jeunes femmes actuellement, on leur demande effectivement d'être une super nana sexy, une super maman, une super cuisinière, une super ménagère, une super maman qui fait des activités avec ses enfants et tout. Et puis, le travail, et on lui met tout ça sur la tête et on la compresse. Et donc, en quelque sorte, il y a beaucoup de choses qui sont, je dirais, touchées par l'épuisement en dehors du professionnel. D'accord. Parce que même, par exemple, dans la vie courante, Dans les associations, il y a des gens qui se mettent des pressions, mais phénoménales. Oui. Par exemple, dans des organisations ou dans des choses qui sont des activités même personnelles, dans des groupes, il y a des gens qui se mettent la pression. Et là, il y a des questions à se poser, effectivement. Mais je pense qu'elle n'est pas que professionnelle. L'épuisant n'est pas que professionnel. Il est... je reviens à maladie sociétale. De société. Quoi. Oui, voilà. Tout à fait. J'ai lu il y a peu, justement, sur la page Facebook de Ralentir pour vivre, que le burn-out, l'épuisement avait pris de l'ampleur pour cause la crise sanitaire que nous connaissons tous avec le Covid. Comment ça s'explique, ça? Tout simplement parce qu'on met doublement la pression sur les gens. C'est-à-dire la pression... sur tout ce que vous savez autour de cette maladie, que ce soit la pression par rapport aux vaccinés, non vaccinés, passe, pas passe, le droit de travailler, pas le droit de travailler. Enfin, on rajoute des facteurs de pression dans un monde qui était déjà assez pressé comme ça. Donc, en plus, le travail à la maison, en télétravail avec les enfants dans les pattes, enfin, des situations burlesques et cocasses parce que, franchement, on prend du recul et on éclate de rire. Là, on se fout de la gueule de qui, quoi. J'entends, c'est vraiment une pression qui est, à mon avis, telle qu'on va passer d'une crise Covid à une crise burn-out. Moi, à mon avis, dans les années qui vont suivre, il va y avoir des tas de personnes qui vont plus pouvoir parce qu'ils ont dû donner un tel coup de collier qu'il y a un moment donné où il y aura un effondrement des ressources humaines. Voilà ce que je pense, personnellement. Et puis dans le télétravail, on a moins de limites, justement, dans les heures que l'on se donne à travailler, vu qu'on est à la maison. Et des fois, ça prend une ampleur que l'on ne, dont on ne prenait pas conscience, quoi. Non, et puis on est en train de taper une lettre, et puis il y a le petit qui dit « Mais maman, j'ai renversé ma crème chocolat. » Mais sa crème chocolat, bon, « Mais maman, viens t'occuper de moi. » Ben non, mais je finis ma lettre. Enfin, c'est des situations qui sont dramatiques, quelque part. Dramatiques, l'enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Et la maman, comment elle vit ça? C'est dramatique, en soi, ou le papa, hein, parce que ça peut être aussi bien le papa dans ce cas. Donc c'est dramatique. Ça a créé quand même des situations extrêmement violentes. Et je pense aussi que dans l'épuisement, il faut voir la dimension de violence. Oui. Je parlais de maltraitance, mais de violence qui est faite à l'individu. Et ça, je trouve... hallucinant d'être en 2000, hein, puisque moi je suis née au 20e siècle, donc je suis née dans le siècle d'avant. Mais je trouve hallucinant qu'on en arrive à une telle violence psychologique. On disait l'an 2000 ressemblera en l'an 1000, hein, parce que quand on a passé l'an 2000, on a dit « Ouais, mais il y aura quelque chose, une catastrophe comme en l'an 1000, je ne sais pas quoi ». Non, mais il ressemble dans le sens qu'on est passé de la maltraitance physique en l'an 1000 à la maltraitance psychologique en l'an 2000. Et là, je trouve que ça va un peu loin. Oui, c'est sûr. En plus, c'est quelque chose dont on... d'invisible. Insidieux. Voilà. Du coup, tu me disais tout à l'heure que tu es donc présidente de cette association, mais aussi animatrice. Alors du coup, quelles sont les actions menées? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il va y en avoir? Alors, il y en aura, effectivement. Donc, on va mettre en route ce forum sur le site, parce que pour nous, c'est important, ça. Oui. Mais les personnes ont de la peine à se manifester pour l'instant. Et puis, effectivement, faire en sorte de créer des moments de partage. On le fait dans le cadre de l'association parce qu'on fait des émissions de temps en temps associativement où on réunit des personnes pour discuter, pas simplement de l'épuisement, mais discuter de ce qu'on vit actuellement. Parce qu'en fait, ça sert à rien de pointer sur sur l'épuisement en soi. Ce qui est important, c'est un équilibre de la vie sociale, de la vie physique, de la vie psychique. Enfin, c'est un équilibre. Et pour nous, c'est important d'être à l'écoute de ce que les gens vivent, de ce qu'ils passent comme des fois comme épreuve. Donc, pour nous, c'est important d'accompagner dans ce sens-là, dans l'écoute. Mais dans l'écoute, dans le partage et de créer peut-être des groupes de partage. On fait également de l'impro-théâtre. On avait fait une pièce de théâtre qui s'appelle Le Burnout des agriculteurs qu'on va rejouer en avril à Saint-Loup, et un marché qui concerne les agriculteurs, oui. C'est-à-dire à la foire de Saint-Loup. D'accord. Et puis, on va monter, d'ici la fin de l'année, un autre sketch, enfin un sketch. On essaye de rendre pas dramatique, on essaye de dédramatiser des situations dramatiques. Oui. Le burn-out des soignants. Parce que là, il y a vraiment un sujet, et là, on va s'attaquer à ce sujet maintenant. Oui. D'accord, hein, mais là, oui, c'est sûr. Oui. Il y a de quoi faire. Là, il y a de quoi faire, oui. Dans l'ambiguïté dans laquelle ils vivent actuellement. Et la pression. Eh oui. Le manque de moyens et toutes ces choses que l'on connaît déjà très bien. Oui. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de statut professionnel, de statut tout court d'ailleurs, pour être victime de cet épuisement. Non, je dirais qu'avec les années, il y a de plus en plus d'enfants qui sont victimes. Ah oui ? Oui, de plus en plus d'enfants. De plus en plus d'enfants qui... moi, j'ai reçu des témoignages d'enfants qui disaient « Oh, ce week-end, heureusement, papa, il a dit « on ne fera rien ». Ah oui. Quand vous entendez un enfant dire ça, vous dites « Ouh là là !» Parce qu'un enfant, il a la musique, la gym... le club de sport, le club de ci, le club de ça, entre deux, il joue sur les trucs vidéo, machin, truc, bidule, hein. Il a juste le temps d'aller se coucher, c'est pire qu'une journée de travail pour un enfant. Oui. Ah donc, oui, il va à l'école le matin, pense la cantine, la garderie. Oui. Et puis on le voit dans les jeunes maintenant qui vont dans le chemin du travail, qui disent, moi je travaillerai qu'à 60%. Moi, je travaillerai qu'à 80%. Moi, je travaillerai qu'à 30%. On entend beaucoup plus que de ma génération, ça s'entendait pas, ça. Oui. C'était même pas entendable. Donc, je pense qu'il y a même une réaction, déjà, maintenant, des jeunes par rapport à ce qu'ils voient chez leurs parents. Parce que, moi, j'ai entendu des enfants qui disaient, mais papa, il dit tout le temps, maman, il dit tout le temps, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Un enfant qui entend ça depuis sa jeunesse, mais il a l'overdose arrivé à un certain âge. Il dit, c'est bon, moi, me dépêcher, c'est sans moi. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il existe des professionnels dédiés à ce sujet vraiment ? Alors, il y a certaines professions, entre autres une qu'on n'imagine pas du tout, c'est les agriculteurs. Il y a un agriculteur qui se suicide un jour sur deux, donc il y en a à peu près entre 100 et 200 par année. Sous prétexte qu'ils sont trop sous pression, parce que pression des crédits, des grosses machines, des gros trucs, enfin bref, une pression terrifiante, et puis l'impression de pédaler dans la choucroute, parce qu'ils avancent pas, quoi. Donc c'est un métier qui est extrêmement touché. Les enseignants, oui. Les enseignants sont aussi extrêmement touchés. Les soignants sont aussi extrêmement touchés. Et un secteur auquel on ne penserait pas non plus, les médecins. Eh ben oui. Donc c'est aussi un secteur qui est extrêmement touché. Et dans les professionnels de santé, est-ce qu'il y a des professionnels pour aider justement ces personnes victimes d'épuisement qui sont vraiment dédiées à ça ? Oui. Ou est-ce que ça n'existe pas encore ? Oui, il y en a. Il y a beaucoup. Je dirais que dans ce cadre-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées. Beaucoup. Comme tout, il faut trier, il y a du bien, du moins bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont proposées, d'endroits tranquilles. Je dirais ce qui est important quand même, et je tiens à le dire, c'est que ce ne sont pas des médicaments qui règlent le problème. Mais oui. Je fais passer ce message. Parce que ça, je pense que quelquefois, c'est une solution de facilité qui est traitée comme ça, et voilà, on confond ça avec une dépression et on vous donne des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et là, je dirais que c'est pas une voie très souriante ni très, très ensoleillée, ça. Oui, parce qu'au final, on camoufle un petit peu au lieu de vraiment d'aller dans le vif du sujet. C'est un pansement sur la jambe de bois. Tu me disais aussi avant cette émission que l'épuisement appuyait sur le dysfonctionnement déjà présent dans notre corps, si voilà, on était peut-être plus fragile. Oui. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce dysfonctionnement hormonal, qui à un moment donné, les hormones ne peuvent plus être régulées parce que les récepteurs qui étaient censés les réguler sont débordés, à ce moment-là, oui, ça met le système immunitaire en péril. Et ça enclenche des maladies sur des parties qu'on avait plus fragiles que d'autres. Certains sont peut-être fragiles des reins, d'autres vont être fragiles des poumons, d'autres vont être fragiles au point de vue cardiaque, d'autres vont être fragiles de la peau. Enfin, ça va déclencher C'est pour ça d'ailleurs que le reconnaître comme une maladie, c'est une ineptie complète, parce que ça déclenche chez chacun des maladies différentes. Et oui, je comprends tout à fait. Toi, tu as été aussi dans cette un petit peu spirale infernale. Aujourd'hui, ça va mieux. Tu as eu un changement de vie radical, j'imagine. Oui. Voilà. Ça t'aide d'avoir vécu cette expérience pour aujourd'hui avoir cet œil de bienveillance et peut-être plus objective et plus pointue pour aider d'autres qui pourraient être dans ce cas aujourd'hui. Disons que le fait d'avoir été victime d'un burn-out, mais il y a 16 ans maintenant, je comprends effectivement des situations où on est dans une souffrance. Je me souviens de ma souffrance. Alors oui, ça est pour ça. Et puis d'un autre côté, comme ça fait très longtemps, avoir, je dirais, passé des épreuves toutes ces années pour arriver à un moment donné à effectivement changer de style de vie, parce que ça a été un changement radical pour moi. Mais ça, je l'ai tout de suite senti. Hein. Je pense que quand on... Moi, je suis tombée très fort. Hein. Je me suis fait bien mal. Hein. Et donc, je me suis écrasée, on va dire ça comme ça. Plouf voilà. Donc, j'ai changé radicalement de vie. Ça a été difficile. C'est vrai que maintenant que j'ai changé radicalement de vie, je le vois comme on se souvient d'un film. Oui. C'est-à-dire que oui, je me souviens, je comprends, oui, j'arrive à, disons, c'est ce que disent les gens quand ils me croient, c'est qu'à sentir peut-être au-delà des mots, au-delà de ce qu'on laisse paraître, et puis à voir des choses peut-être effectivement, je dirais, qui font que, effectivement, je peux être une source de chaleur à un moment X, parce que effectivement rien que le fait d'entendre clairement les choses et les reconnaître, parce que c'est comme toute violence, hein, elle doit être reconnue. Oui. Et ça, à mon avis, oui, j'ai peut-être plus de facilité du fait de ce que j'ai vécu. Ok, donc je comprends bien pourquoi tu as voulu créer cette association avec d'autres personnes, entre autres. Voilà, en étant passé par là, c'est sûr que forcément, on a envie d'agir. Oui, et puis là, on a des bénévoles dans l'association qui font du théâtre, qui font effectivement, qui nous aident beaucoup, qui nous soutiennent beaucoup, et puis qui jouent vraiment le jeu de mettre en avant ce problème en le décalant. Donc, on essaye d'être, comme le burn-out des agriculteurs, on a fait cette pièce qui a beaucoup plu d'ailleurs, parce que c'était un côté amusant, on va dire, tout en étant dramatique, mais quelque part, à un moment donné, il faut prendre un certain recul pour voir les choses. Combien vous êtes au sein de l'association? Combien il y a de membres, tu sais? Il doit y avoir 80 membres à peu près, mais ce sont des adhérents, puisque c'est un euro symbolique. Oui. Pour adhérer. Et puis de bénévoles, il y en a une dizaine, douzaine de personnes autour de moi qui me soutiennent. Si on a envie de s'investir ou de, voilà, d'intégrer, d'adhérer à cette association, comment on fait? On va sur ralentirpourvivre.org. Oui. Et puis sans me contacter, à ce moment-là, on peut verser directement si on veut verser une cotisation ou un don. Et puis si on est dans la région, ben, on me contacte et puis on se rencontre et puis on voit ce qu'on peut faire. Ouais, c'est chouette. Oui. Oui. C'est chouette. Donc tu es présente, enfin vous êtes présent avec cette association donc sur internet et sur Facebook. On remettra les liens avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Cette émission est passée à toute vitesse. Oui, vraiment. Moi je tiens vraiment à remercier Lia, mais infiniment. Merci, je beaucoup. Te remercie vraiment infiniment. C'est moi qui te remercie beaucoup. Et si tu avais un conseil à donner? J'en aurais pas. Non. Non. Parce que chez moi, on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Pour moi, personnellement, tout va bien. J'ai rien besoin. Voilà, mes besoins sont, ça va. Pour l'association, ce que je souhaite, c'est une plus grande, je dirais, qu'on puisse à élargir notre information et vraiment la transmettre, et que des personnes peut-être puissent nous aider à encore plus se faire entendre. Voilà. D'accord, qu'elles soient plus visibles, tu veux dire. Oui, et vraiment se faire entendre. D'accord. Mais avant le Covid, on nous avait proposé pas mal d'endroits pour faire des conférences, donc on va reprendre petit à petit. Ah ben voilà, tu nous tiendras informés. Voilà. Ouais, super. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, d'être venue aujourd'hui dans cette émission pour nous parler de ce sujet très important, ce phénomène sociétal qu'est l'épuisement, le burn-out. Voilà, personne de mieux placé pour le faire que toi, Merci beaucoup d'avoir reçu l'association ici, parce que voilà, et de nous laisser la parole. Merci beaucoup, Lia. Mais c'est moi qui vous remercie, puis on se tient informé pour la suite. Aujourd'hui, ça sera pas de générique, je vais passer un son, un mantra qui me tient très à cœur de Deva Premal, que vraiment j'adore, avec ce live, ce concert qui a été fait en 2009. Encore un plongeon dans le domaine de l'esprit et dans le soi. En attendant, auditeurs, on se retrouve lundi prochain. Je te souhaite une très très belle journée. Je te laisse sur les ondes de Radio Guémozo avec la suite des programmes. Prends bien soin de toi et prends soin des autres. Allez, kiss. Sure.